Les rassemblements des ouvriers et syndiqués, des permanentes et membres de l'Union des femmes pour appliquer à fond la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée ont eu lieu respectivement le 23 sur la place du monument à la fondation du parti et sur la place de la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres des unions syndicales et des femmes, les officiels intéressés, les syndiqués, les ouvriers et les femmes. On y a lu l'appel du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, adressé à tous les militaires, jeunes et civils du pays, en avant tous pour la victoire complète du socialisme grâce à la création de la vitesse de Malima. Les orateurs ont appelé à apprendre sciemment l'historique rapport du maréchal Kim Jong-un prononcé au 7e congrès du Parti du Travail de Corée et la décision du congrès du parti et à crier de plus grands prodiges et mérites au poste révolutionnaire pour soutenir fidèlement le comité central du parti. Les participants ont adopté les résolutions.